peine dédicacée. Même s'ils creusent leur fossé, cherchent même tous à se caser. Une plume, une feuille blanche, mon rêve, ce fut la scène. Mais trop d'arènes, pas de vibration, parce que le nez dans la planche, comme succombé d'avalanche, faute de GPS. Même s'ils posent le micro, mon blaze à 20 piges, que c'est Muxo, peu de choses, je rêve des oraux. Depuis, je connais les hommes cannibales qui n'aiment pas les balles, veulent la vie longue. Et pour ça qu'on plotte dans les ombres. À 50 mètres, je te trouve la peau comme mettre un pont à un piaf. Plus je deviens vieux, plus ici, c'est rempli de trop de balles. Comme passer le ballon, seuls deux attaquants face au but. En fait, je fais caca sur Belzébut pendant que le but de certains, c'est mettre des zéros après le chiffre pendant que les autres peuvent s'entretuer pour une chips. En France aujourd'hui, c'est flow zéro, pas de phase. Rappelle à l'époque, ça tenait du bon vieux rap à l'eau. Et je la joue pas Nabila, qui kiffe à coups de couteau, kiffe kiffe, ça fait les gazelles. Mais certaines croient en Dieu, pendant qu'on assassine à l'heure de prier, je rapperai au prieuré Sion, même s'il faut aller en Suisse. Un canif, casquette, basket, survêt, appelle-moi tant, je phénomène, qui se défonce aux hormones femelles pour tous les mal en rut, qui se fonce devant la télé, fat taf en 2-2, chiffré à 9-0, 6-6-6, le nombre de la bête. Esquiver le mal, c'est pas bête, avec style à l'envers la casquette, avec logo Jordan, de l'air dans les baskets, histoire de fly et plus haut. Rapper c'est viser plus haut, histoire d'aller plus loin. Hurler une phrase au micro, respirer le même temps au mic, c'est zéro. Avec elle, qu'une idée en tête, foreuse, perceuse, je rappe à tue-tête. C'est mon souvenir, quand je rappelle à son sourire. Viser le bien, c'est avoir Dieu dans le viseur. La messe cathodique du téléviseur, même si l'écran est plat. Un œuf à la coque, un crouton, les voiles en berne. Fin rond dans mon trois-mâts, accosté au lac à Berne. C'est tout juste à côté, t'as le gun, la libye, le motif. Mais t'es à côté de la plaque, je te dis même pas le magot. Confond le top et mes gos. Spoudrer le pif, kiffer le pédo, c'est mettre le pied au cercueil. Ou triper KO dans un hélico. Je t'avoue, je rate pas la cible. À tous les cerfs volants. Avis de tempête sur tout continent. Pour les abstinents, les contendus ou encore les incontinents. Un lyrique sous deux flots fluides comme une pâte à crêpes sans grumeaux. C'est juste des mots qu'elle verra si je démo.